Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique. En vérité, notait Roger Vaillant dans ses écrits intimes, se penchant sur ses années de jeunesse, la vie ne m'apparaissait digne d'être vécue que dans la mesure où je parviendrais à la constituer en une succession de saisons si bien enchaînées qu'il ne resterait plus la moindre place pour la vie quotidienne. Roger Vaillant. Roger Vaillant, il enseignait le refus de la lâcheté, il croyait que le bonheur était possible. Vrai libertin du XVIIIe siècle, homme du XXe siècle, un aimant autant qu'un amant qui ne savait pas être tendre, sauf avec Elisabeth. Souverain, l'adjectif ou le substantif est à examiner. Une œuvre, une vie, Roger Vaillant, première diffusion sur France Culture le 27 mars 1981. Une œuvre, une vie. Une émission conçue et présentée par Hélène Morat. Avec la participation de Claude Roy, François Botte, Marc Garanger, Jean-Claude Fasquelle, Maître Léo Matarasso, Jean Pratt, Henri Lefebvre, Christian Descamps, Pierre Caste. Avec le concours de Michel Piccoli, Georges Descrières, sociétaire de l'Académie française, Richard Leduc, Claire Morier, Catherine Laborde, Pascal Roberts. Avec les voix de Roger Vaillant, Jane Fonda, Fernand Lombroso, Simone Signoret, Pierre Lazareff, Jacques-Francis Rollin. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Roger Vaillant est mort, dit-on, comme dirait l'historien, en 1965. Croyez-vous qu'il soit mort? Je dis que non. Je dis que pour tous ceux qui l'ont lu, rencontré ou connu, pour tous ceux qui le découvrent aujourd'hui grâce aux éditions Folio et autres livres de poche, il est vivant. Il ne s'agit donc pas ici de l'enfermer dans un musée, ni de lui édifier un mausolée, mais simplement de l'écouter vivre. Dans son œuvre et dans sa vie, précisément. J'ai été enfant, j'ai été catholique fervent. Ensuite, j'ai été amateur de football. Ensuite, j'ai été surréaliste. Ensuite, j'ai été ce que les marxistes appellent un intellectuel petit bourgeois. Ensuite, j'ai été un combattant dans la résistance. Ensuite, et maintenant, j'ai tout ça derrière moi. C'est-à-dire que je suis successivement sorti de toutes ces écoles, je dirais, oui, c'est le mot école, je crois qu'il est assez juste, c'était des écoles pour moi. Et qu'est-ce qui est sorti de ça? Je ne renie rien de tout ça, il n'y a aucun de ces passages que je renie, et j'ai l'impression que ce que je suis maintenant, je ne suis pas entré dans une nouvelle école, et que je n'entrerai plus dans une nouvelle école, que je suis l'unité de tout ça. L'unité de tout ça, sortant de tout ça, s'y opposant, si vous voulez. Maintenant, ce que je dois écrire, si je fais de nouveaux essais, je ne m'occuperai plus de Laclos, ni de Casanova, ni de peinture peut-être, quoique ça m'amuse un peu plus, mais j'essaierai de me poser moi, parce que maintenant je suis arrivé à cet âge où on n'a plus besoin d'école, on n'a plus besoin de parents, on n'a pas besoin ni de confesseurs, ni de parents, ni de partis. On se trouve seul, face à face avec le monde, et avec soi, et sachant qu'on mourra bientôt. Après cet autoportrait de Roger Vaillant, plusieurs personnalités de la littérature, de l'édition, du journalisme, de l'université et du monde artistique, ont bien voulu en faire un mini-portrait à leur tour et à leur manière. Jane Fonda. J'avais peur. Parce que c'était comme un animal, Roger, avec ses longs doigts et ses yeux qui brûlaient. Quand j'ai lu ses livres, je me suis dit, oh, je vais jamais plus pouvoir lui voir, lui parler, parce qu'il boit tout, il sait tout. J'ai l'impression que la prochaine fois que je vais lui voir, je serai nue, toute nue, physiquement et mon âme, et j'ai peur. Pierre Caste. Mon regard sur Roger, c'est le regard qu'il aurait posé sur lui-même. C'est-à-dire l'effort sur la lucidité non payé de retour. C'est-à-dire que c'est beau de vouloir et c'est beau de dire ça ne fait rien si on n'y arrive pas. Marc Garanger. Je me rappelle d'une dédicace que Roger m'a écrite sur un exemplaire de Monsieur Jean. La vertu, c'est le bonheur, c'est d'avoir sans réserve confiance en soi. Je dirais que c'est une phrase, je n'arrête pas d'essayer de la mettre en pratique. Et je crois qu'on n'en finit pas d'essayer de la mettre en pratique. Claude Roy. Roger Vaillant n'était pas tout d'une pièce. Il n'y a que les pierres, les fanatiques et les sots qui soient tout d'une pièce. Maître Léo Matarazzo. Pour moi, Roger Vaillant est un homme dont l'exigence essentielle a été de réussir sa vie. François Botte. Il me semble que dans cette époque et dans ce pays qui s'abandonne si volontiers, Roger Vaillant nous enseigne le refus de la lâcheté. Et cela parce qu'il aimait trop sa vie pour ne pas risquer de la perdre. Christian Descamps. Vaillant, c'est celui qui pense que le bonheur est possible, qu'il n'y a de jeu que s'il y a enjeu, désir, qui pense aussi que les militantes peuvent être bien habillées, jolies comme des barricades, et qui pense en même temps que les ouvrières peuvent être aussi souveraines que des duchesses. Henri Lefebvre. À mon avis, Roger Vaillant est aussi philosophe que romancier, et que dans ses romans, il a mis en scène et en récit, quelque chose qui va très loin, c'est-à-dire le jeu et le ludique. Tous ces récits sont des récits de jeu, avec toutes les forces du monde, avec la vie, avec la mort. Jean-Claude Fasquelle. Je dirais profondément l'exigence dans la qualité, toujours. Et deuxièmement, la fidélité. Fernand Lombroso. Roger était angoissé, Roger était un grand nerveux et il était, comme il disait, cyclotimique. Il avait donc des angoisses, les mêmes angoisses qu'on est nerveux. Simone Signoret. Si je dis Vaillant, je vois Roger, JFR et Claude Roy, déguisés en correspondants de guerre, avec des costumes mi-américains, mi-Leclerc. J'ai une image comme ça, deux, trois, très joyeux. Buvant ferme et assez content d'être en uniforme quand même. C'était assez joli. Une espèce de faux soldat, mais c'était très joli. Il ne peut être dissocié de la société de 1980. Cette œuvre, elle est d'une lucidité, d'une attention et d'un esprit d'observation et de pénétration de son temps que peu de ses contemporains ont égalé. La description, par exemple, en 325 000 francs de ce prolétariat rural, provincial, ou dans Beau Masque des ouvriers de la région où Vaillant et Elisabeth s'étaient établis, et d'une précision, d'une exactitude, ça n'a pas bougé. C'est à la fois un document d'époque qui a sa date, qui donne très exactement la situation de ces déclassés ou de cette classe ouvrière de l'époque, et en même temps qui n'a pas vieilli, parce que on sait que ça se passait comme ça à cette époque, mais le livre est encore lisible, bon et vivant aujourd'hui. Mais je veux tout d'abord lui donner le titre de noblesse qui lui va si bien. C'est celui de fils de roi, selon l'expression de Gobineau, qui reviendra tout au long de son œuvre. Comment raconteriez-vous le choix littéraire et son application dans la vie de l'expression « fils de roi » ou « être de qualité » si cher à Roger Vaillant ? Il y a les deux chez Vaillant. Il y a l'insolence de Vaillant qui était souvent charmante, juvénile et drôle et qui était quelquefois rupilante, il faut le dire. Et puis, il y avait l'homme qui essayait en effet d'avoir, par la possession de soi, par le refus de s'abandonner à la facilité, aux passions, aux caprices, qui cherchait à tirer de lui le meilleur, le plus fort. Je l'ai vu avoir un sens de sa responsabilité, un sens du calme qu'il s'imposait dans les orages et les tumultes, un sens de la... une volonté de maîtrise de soi qui fait que là, vraiment, je me disais, mon ami Roger Vaillant est en effet un homme de qualité. Il a raison de dire, que, comme il le dit en riant, nous sommes des Canadaires, fils de roi et borgne de l'œil droit. Par ailleurs, Roger Vaillant a poursuivi un itinéraire étrange, à la fois contradictoire et cohérent, bouleversé et quadrillé par des règles acceptées et voulues. Lui-même est complexe à un degré rare, concret et onirique, aristocrate par vocation et militant au Parti communiste, grave et drôle, sérieux et léger en apparence, à la fois libertin et passionné par les événements de son époque, individualiste et socialiste. Semer le blé, cuire le pain, presser le vin, faire des enfants, les élever, travailler pour nourrir sa famille. Voilà qui n'est pas du jeu, qui est vrai, qui donne sens à la vie. Est-ce possible? Voilà que vous parlez comme ce pauvre Giono. Ou ce vieux salaud de maréchal. J'attendais mieux d'une agrégative de philo, un peu plus d'esprit critique. Mais justement, je me moque de la philo. D'ailleurs, je ne veux plus discuter avec vous, vous aurez toujours raison. Frédé m'a eu de cette manière. Il finissait par me convaincre, bien que je sente au fond de moi exactement le contraire de ce qu'il me faisait admettre. Quand je pense que j'ai passé des nuits à coller des tracts sur les murs, quelle rigolade! Est-ce que je m'en fous de la société future, de l'avenir du prolétariat, de l'édification du socialisme? D'ailleurs, vous aussi, vous vous en foutez. Ça se voit tout de suite. Rien qu'à votre manière d'entrer chez les gens, à votre sourire, à votre trait de cravate. Vous vous trompez, Annie. Si nous faisons mieux connaissance... Vous vous apercevrez que l'édification du socialisme est la seule et unique tâche que je prenne au sérieux. Ça a l'air un peu con de le dire comme ça. Mais c'est vous qui m'y obligez. Né dans une famille catholique, il ne se révolte pas tout de suite. Au début, il est croyant, religieux. Soudain, la rupture totale. Il devient athée complètement. Il a d'ailleurs demandé à être inhumé sous la bannière de la libre pensée. Cette rupture, il l'explique par la bouche de son héros Eugène-Marie Favart dans Un jeune homme seul. Je n'ai pas eu de crise. J'ai cessé de croire en Dieu. C'était au moment où je commençais à étudier la géométrie. Un beau jour, il me sembla aussi absurde de croire en Dieu que de prétendre que les trois angles d'un triangle ne sont pas égaux à deux droits. La deuxième recherche de Roger Vaillant est celle du bonheur. Elle est cruciale. C'est un amoureux du bonheur. Bonheur dans l'amour, bonheur dans l'action politique. Il écrit dans son journal que toute sa vie, l'amour ne lui a apporté que du bonheur. Sauf en 1935. Vaillant a vécu plusieurs saisons. La saison de l'amour fou. Chaque livre aussi est l'amour fou avec une femme qu'il a beaucoup aimée, mais qui a été pour lui peut-être une sorte de malheur, une sorte de mente religieuse. Mais je dois dire que c'est sa rencontre avec cette femme qu'il appelait Boule ou B, qu'il appelle B dans Drôle de jeu. A été pour lui à la fois une période de sûrement de grand bonheur, parce qu'il y a eu une passion, et une passion mais une passion envahissante, une passion dévorante, et Vaillant a dû se désintoxiquer. Il la suicidera, entre guillemets, dans son roman Les mauvais coups, parce qu'elle n'aura même pas réussi à être la femme complice, souveraine, qu'il recherche et qu'il trouvera pour toujours avec Elisabeth. Quant à la politique, Roger Vaillant a toujours déclaré que la révolution devait conduire au bonheur, y compris le bonheur individuel. Amoureux du bonheur, donc, il haïssait le malheur, le suicide. Pourtant, lorsqu'il a été malade, il a décidé de se suicider le jour de son anniversaire, le 16 octobre 1965, au cas où son état ne se serait pas amélioré. C'est ainsi qu'il s'est offert un dernier luxe, celui de ne pas se suicider. La mort elle-même lui a fait ce cadeau. Bourgeois de naissance, mais pauvre. il s'est fait journaliste pour gagner sa vie. J'étais étudiant et j'ai eu besoin de gagner de l'argent tout d'un coup. Je m'étais fâché avec mes parents et des amis qui m'ont envoyé à différents directeurs de journaux, dont le rédacteur en chef de Paris Midi. Il m'a dit que je voulais faire du journalisme. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit d'abord parce que je suis curieux et ensuite parce que j'ai beaucoup de talent à travers les petits articles qu'il a commencé par faire sur la vie parisienne, sur les spectacles, sur la vie littéraire. Je me suis aperçu que c'était un très très bon journaliste. Il a commencé son œuvre de romancier assez tard. Il a même choisi de vivre dans l'ascétisme matériel pour pouvoir écrire. Le vrai aristocratisme de Vaillant, c'est Vaillant, commençant à être un écrivain connu, mais qui n'avait encore écrit que relativement peu de choses, décidant un matin de se retirer à la campagne pour écrire une œuvre, et de se retirer dans des conditions très difficiles, avec très peu d'argent, une absence de confort total, cassant l'eau gelée le matin dans les seaux pour faire sa toilette, vivant aux Alimes avant Meillonnas, vraiment une vie ascétique, austère, difficile. L'argent n'est venu que plus tard, grâce à la loi, qui avait d'ailleurs déjà été vendue à 80 000 exemplaires avant d'obtenir le Goncourt. À l'égard de l'argent, Roger Vaillant a un mépris souverain, un merveilleux sens du gaspillage. C'est tout le côté flambeur de Vaillant. Il y a une anecdote charmante à ce sujet. Au moment de la loi du Goncourt, donc, il aurait acheté d'un seul coup 10 valises de cuir noir identiques, qui ne contenaient sûrement pas la valeur de leur prix d'achat, pour le plaisir. Par ailleurs, Elisabeth Vaillant, sa femme et sa complice, racontent qu'il aurait aimé que les copains viennent le taper pour aller s'amuser. Hélas, c'était toujours par nécessité. La résistance est le créneau essentiel de sa vie et de ses débuts d'écrivain. Qu'on relise Drôle de jeu, qui est le roman de la résistance telle que l'a vécu Roger Vaillant. C'est une résistance, on peut dire, assez particulière. Une résistance qu'on a envie de nommer aristocratique. Roger Vaillant appartenait à un de ces réseaux de résistance qui avait de grands moyens, de l'argent, et où le fait de mettre en danger sa vie, de jouer sa vie, n'était pas incompatible avec le fait d'avoir une vie assez agréable, une vie assez confortable, ce qui n'était pas le cas, loin de là, de tous les résistants. Eh bien, ce roman qui est, si vous voulez, centré sur une expérience tout à fait particulière et spéciale, est en même temps une peinture la plus exacte, peut-être, de l'atmosphère de Paris occupé. Nombreux camarades résistants, surtout communistes, car lui ne l'était pas, c'est important, lui reprocheront sa légèreté. Car malgré sa sincérité et son courage, il donne l'impression de vivre la résistance comme un jeu, essentiellement à cause de son amour des femmes. Eh bien. As-tu des nouvelles? Toujours à Fresnes. Au secret. On ne peut communiquer avec lui. Que pouvez-vous faire? Rien. C'est tout de même insensé. Un garçon qui travaille pour vous. Vous lui faites faire des choses dangereuses. Il imite tout son cœur. Il se fait prendre. Vous dites en guise de raison funèbre, c'est dommage, il était gentil. Et puis vous passez à autre chose. Vous n'en parlez plus, vous n'y pensez plus. C'est la guerre qu'il exige, Mathilde. Aujourd'hui, lui, demain, moi-même. Je ne sais pas si je ne serai pas arrêté à mon prochain rendez-vous et fusillé demain matin. Il y en a déjà tellement et des meilleurs qui sont tombés autour de nous. Ce doit être ainsi dans les tranchées. Tu aimes bien le camarade qui est tué à tes côtés, tu as beaucoup de peine, mais tu n'as pas le temps de pleurer. Le combat continue. On ne fusillera pas Dany. Mais non, on ne fusillera pas ton Dany. Je serais bien empêché qu'on le tue. Voilà ce que j'attendais. Quand un homme est en prison, au secret, incapable de se défendre, abandonné de tous parce que toute tentative pour le sauver serait vaine, il n'y a qu'une femme amoureuse qui puisse, contre toute raison, tenter quand même quelque chose. Et réussir. Moi? Toi? C'est facile à dire. Moi qui ne suis pas dans le coup, Moi qui ne sais pas au juste ce qu'ils faisaient ni pourquoi ils l'ont arrêté, qui ne connaît personne dans les prisons ni dans la police. Je croyais que tu avais fréquenté des officiers allemands. Oh, si peu. Ils se foutent pas mal de moi. Et puis pas d'argent. Je ne connais même pas ses camarades de combat. Si, si, si, un seul, toi. Toi le plus égoïste des hommes, le plus léger. Celui sur lequel on peut le moins compter, un homme de plaisir, un jouisseur. Je me demande même ce que tu fais là-dedans. Tu ne crois pas à l'amour ? Je t'ai déjà dit que je ne croyais qu'à l'amour. Mais je ne nomme pas amour l'obsession que provoquent chez certains hommes des femmes qu'ils n'ont jamais possédées. Cette sorte d'amour, bien qu'il puisse avoir à sa toute première origine un vif mouvement de désir, ne met finalement en branle que le cerveau, ce qu'on appelle le cœur, c'est-à-dire l'ensemble des émotions qui se manifestent, comme tu l'as si bien remarqué, au niveau du plexus solaire. C'est même le cerveau qui finit par tenir toute la scène, chez ceux qui ont l'habitude de s'en servir. Tout ce que Stendhal dit de la cristallisation s'y applique fort bien. C'est l'amour idée fixe. Il relève de la psychologie des passions et dans les cas extrêmes, de la pathologie mentale. Ce n'est pas, à mon sens, le véritable amour. Celui-ci implique le corps à corps. C'est une grande aventure à laquelle participe l'homme tout entier, tête, cœur et ventre. Il n'y a rien de soi-même qui n'y soit engagé. Il n'y a que les chrétiens pour avoir imaginé l'amour platonique. C'est que le christianisme a divisé l'homme opposant l'âme noble au corps vil. L'homme total aimera dans sa chair et son âme enfin réunies, inséparables, consubstantielles. Pour la plupart des romanciers, l'aventure est terminée lorsque les deux antagonistes parviennent enfin à coucher ensemble. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Pour moi, c'est à ce moment-là qu'elle commence. L'épreuve de vérité du nu à nu est nécessaire pour distinguer l'amour vrai des extravagances de l'imagination. Celle-ci tourne souvent à vide comme un moteur au banc d'essai. J'aime qu'elle soit embrayée, que l'homme soit complètement incarné, qu'il soit un homme total. Stendhal, que j'aime tellement par ailleurs, est un romancier de l'ambition, bien plus que de l'amour. Ce qui l'intéresse dans l'amour, c'est la conquête. Lucien Leven ne couche même pas avec Madame de Chastelet et Stendhal ne nous dit rien des nuits d'amour de Julien et de Mathilde. 100 pages pour la séduction, une ligne pour dire sa réussite. Il ne faut pas nous laisser duper par les mots qu'utilisa Stendhal par réaction aux fadeurs de la Restauration. Ce qui nous fait chérir Julien, Fabrice, Lamiel, Lucien et la Sainte Séverina. Ce n'est pas l'abandon qui soumet à l'amour, mais la force de caractère qui permet de l'assouvir. C'est l'appétit de bonheur qui prouve l'homme de cœur et la tête froide qui trouve les moyens de le satisfaire. Les héros de Stendhal ne subissent pas, ils font leur destin. Stendhal est un peintre de la vertu. Pour moi, l'amour commence une fois la conquête achevée. C'est l'aventure du couple que je nomme amour. Ce qui s'apparente le plus à cette grande aventure organique. Ce n'est pas l'amour idée fixe, ce serait plutôt la brève étreinte avec une prostituée, avec une fille. Le corps à corps purement érotique, étroitement limité au temps du plaisir, n'admet pas non plus les tricheries. Il ne connaît pas non plus d'intermédiaire entre la réussite et l'échec. Ces réussites, toutes brèves qu'elles soient, sont complètement, pleinement satisfaisantes, glorieuses. La fille peinte et parée comme une idole qui accomplit rituellement les gestes de l'amour. La fille experte et froide, précautionneuse comme une infirmière. Indifférente comme la mère. Les hommes qui aiment profondément les filles sont les plus capables de réussir les grandes amours. J'aime les filles, tu le sais. J'ai également tenté l'autre amour. Oui, il s'est également déjà regardé et aimé les filles, surtout les filles de qualité, selon son expression favorite. Dans Drôle de jeu, il est question d'un pullover, d'un jaune poussin qu'on ne peut trouver que Faubourg Saint-Honoré. Le terme de qualité a du reste pour lui un retentissement beaucoup plus sonore qu'une affaire de bon goût. Sa passion, c'est la passion. Non pas celle qui affaiblit, mais celle qui, antinomiquement, est associée à la lucidité, à la raison. En ce sens, Roger Vaillant est un vrai libertin, comme on pouvait l'être au XVIIIe siècle. Je voudrais être écolier dans ton école. Me mets au piquet. Je m'y ferai mettre aussi. Ce sera une manière d'être à tes genoux. On me fait réciter des patères et des avés à longueur de journée. Tu entendras une autre sorte de prière. On m'oblige à baisser les yeux. Moi aussi, je te ferai baisser les yeux. Mais cette honte-là te sera bien douce. On me bat. Mes bras sont couverts de bleu. Moi aussi, je te laisserai d'inoubliables marques. Mais que m'apprendrez-vous ? Vous ne savez pas l'hébreu, vous ? L'art que je t'enseignerai a permis à des bergères de régner sur les plus grands rois. Et à des écolières de devenir les maîtresses de leurs maîtres. Connus. Je pourrais vous donner des leçons. Elle a fait des progrès étonnants. Mes félicitations. Séduire, respecter, agir, instruire, amuser, étonner, voire effrayer. Ses dons se retrouvent à chaque minute de sa vie et à chaque page de sa trentaine de livres et autres articles. Il faut par ailleurs évoquer son visage, tellement particulier. Roger Vaillant est un personnage qui m'a fasciné dès les premiers instants que je l'ai vu et que j'ai éprouvé effectivement un fantastique plaisir à le photographier et à chaque nouvelle... saison, comme il disait. Oui, à chaque nouvelle rencontre que je faisais avec lui, je retrouvais ce plaisir fantastique à capter ce visage extraordinairement vivant, très incisif, très aigu, très tant dans ses expressions que dans sa morphologie. Enfin, c'est un visage qui accrochait la lumière de façon merveilleuse. Enfin, et avec une telle force, une telle violence, je dirais que. Et comment était-il, lui ? Comment réagissait-il ? Il aimait, il était patient, il acceptait facilement ? C'était pas toujours très simple parce que je crois qu'il l'acceptait assez bien de moi. Mais il y a quelques moments où il me disait « Bon, ben, je crois que t'en as assez, ça suffit. » C'est après coup, après sa mort même, je pourrais dire, que d'un seul coup, j'ai pu suivre le cheminement de l'évolution de ce visage en compulsant toutes les archives sur l'ensemble de sa vie et en montant donc cette exposition que j'ai faite sur lui. Et moi, j'ai photographié le visage de Roger tel qu'il se l'était bâti, construit, structuré totalement, et je crois que c'est une évidence. S'il rencontre avec sa chère épouse Elisabeth une jeune étudiante, belle et communisante, il explose. Il veut tout de suite, et que ce soit entier. Il n'accepte pas les demi-mesures, mais il est patient. Il lui raconte la résistance, jusqu'à ce qu'elle ait vraiment compris. Il lui téléphone des pays de l'Est, d'un bar où il boit des boissons bizarroïdes, tout en parlant politique avec des permanents, entre guillemets. Il lui demande d'être à l'aéroport. Il est impérieux. C'est un aimant, pas un amant. Il est amoureux passionnément, ardemment, mais sans tendresse. Il ne sait pas être tendre, sauf pour sa femme, Elisabeth. Il aime violemment, et se connaissant bien, il domine sa violence. Il est à ce moment-là un poète. Le poète exigeant. Il utilise un rituel érotique, qui est celui du vrai libertin, maître de lui-même et de l'autre. Il n'est pas besoin de faire appel à l'histoire de la philosophie pour ne pas confondre libertinage et dévergondage. Je croyais cependant le mot disparu du langage courant, mais je viens d'entendre à Lyon une femme de bonne bourgeoisie, mais de culture moyenne, et sans trace de pédantisme, dire avec beaucoup de naturel « les libertines comme moi ». Le contexte m'apprit que c'était bien à dessein qu'elle avait choisi le mot et qu'il était d'un usage courant dans les conversations qu'elle tenait avec elle-même. En se désignant comme libertine, elle entendait souligner que ce n'était pas par faiblesse, mais par choix délibéré, qu'elle avait renoncé à une certaine forme de la vertu et qu'elle pouvait se donner, ou plus exactement, prendre un passant qui lui plaisait, sans qu'en souffrît sa dignité, ni sa fierté. Le français a la réputation de posséder la science du plaisir, et tout spécialement du plaisir amoureux. Il ne serait pas surprenant qu'il eût en effet des affinités toutes particulières avec les choses du plaisir. C'est que le plaisir se refuse à qui le méprise. Il fuit dès qu'il devine qu'il deviendra l'objet d'un remords. Il s'effarouche des tabous que les religions jettent sur telle ou telle partie du corps. Certaines sortes de respect de soi-même le glacent. Bref, il requiert un esprit libre. Il y a tout cela, et bien d'autres choses encore dans le mot libertinage. C'est l'art du plaisir, pratiqué par un esprit libre. C'est autour de cet éloge du cardinal de Bernice que Roger Vaillant a rassemblé un certain nombre d'autres textes qu'il avait publiés à diverses époques de sa vie, pour autour plus ou moins de ce même thème du libertinage, du plaisir, qu'il s'agisse du plaisir, comment dirais-je, charnel ou du jeu politique, si vous voulez. Donc, il s'agirait plutôt de parler d'abord de la naissance de l'éloge du cardinal de Bernice, qui est particulièrement intéressante, puisque c'était à une époque où Roger Vaillant était encore impliqué de très près et de manière encore, directement de manière encore très active, dans une action politique. Et ce livre, certainement dans son univers familier, pouvait sembler quelque chose de qui relevait un petit peu du défi. Car cet éloge de cardinal de Bernice, qui était publié dans une collection de libelles, donc une collection de liberté, si vous voulez, par définition, était tout de même un petit peu totalement à contre-courant même de la morale un petit peu rigoureuse du militantisme communiste. Chez Vaillant, le choix était quelque chose de complètement impératif. S'il avait choisi, il devait conquérir, mais il savait parfaitement, il en avait une patience énorme pour y parvenir d'ailleurs, la phase de la séduction revêtait chez Roger Vaillant des aspects extraordinaires. C'était quelquefois des ballets qui étaient aussi bien réglés que l'école de Vienne et ses beaux chevaux blancs, si vous voulez. Après un dîner entre amis, il nous fait monter dans une chambre d'hôtel avec une prostituée pour faire un acte d'éclat et pour prouver qu'il est le roi du jeu. Tout le monde s'incline et la jeune fille qui jouait au jukebox ne peut pas refuser. Je me rappelle un soir, nous étions dans un café, quelques amis, et une fort belle jeune fille, Elisabeth, et nous parlions, nous buvions, et Roger, visiblement, son choix était fait. Il était limité dans le temps, pas par sa propre volonté, toujours le respect des règles. C'est-à-dire, il fallait que la chute intervienne avant la fin de la soirée. Situation pas simple, puisque nous étions tous là. Et bien, il a pris j'allais dire le taureau par les cornes. Non, il a plus exactement pris le taureau comme le matador doit le prendre. C'est-à-dire, et on a assisté à une série de Faina, de Véronique et de ex-prodigieuses peut-être en bout d'une heure, il a devant tout le monde la jeune personne étant parfaitement consentante, sa femme aussi. Ils sont montés tous les trois dans une chambre de l'hôtel qui était au-dessus, je pense. Tout à fait. Et nous avons, nous, ses amis, nous avons entendu qu'il redescende. C'était un acte extrêmement important, puisque pour lui, c'était l'expression réussie de sa volonté qui venait de s'accomplir de manière rituelle et belle. Car tout ça était d'une totale élégance, si vous voulez. Il n'y avait aucune trivialité dans ce ballet. Il est souverain et dit à la jeune fille qu'elle est souveraine, puisqu'elle a accepté librement et devant tout le monde. La règle est la condition de la liberté. De la même manière, il a vécu la politique, avec feu et dans le risque. Après moult hésitations de la part de la direction du PCF pour accepter son adhésion, l'on comprend aisément qu'ils auraient préféré les dirigeants qu'ils restent à sympathisants, il s'est donné complètement à l'idée du communisme, du socialisme. J'ai reçu à ce moment-là un exemplaire d'un de ses livres sur lequel Roger Vaillant avait fait une dédicace à Jacques Duclos accompagnée d'une demande d'adhésion au Parti communiste. Et Jacques Duclos a transmis aussitôt la demande d'adhésion à la direction du parti qui a dû lui donner une suite favorable. En 1954 et 1955, Roger Vaillant publie les deux seuls romans dans lesquels l'action se passe en milieu ouvrier, Beau Masque et 325 000 francs. Mais dans Beau Masque, où l'héroïne elle-même, Pierrette Amable, déléguée du syndicat CGT dans l'entreprise, femme intègre, intransigeante, rigoureuse, personnage par lequel il s'exprime, il confiera à sa femme, Pierrette Amable, c'est moi. Malgré tout cela, le lecteur remarquera que le plus jeune de la famille patron de l'entreprise, Philippe Le Tourneau, n'est pas un salaud de capitaliste, ni une vipère lubrique selon les expressions du PC à l'époque. Par amour pour Pierrette et par conviction personnelle, il prendra parti pour le prolétariat contre sa propre famille. Et il se sentira seul, un peu comme le jeune homme seul de Reims, quand il souffrira de ne pas pouvoir aborder la jeune ouvrière aussi simplement que ses camarades ouvriers. Il est intéressant de constater que déjà, dans Un jeune homme seul, Eugène Marie Fafard, qui n'est autre que Roger Vaillant jeune, souffre de la même façon, pour la même raison. Ses jambes tremblent sous lui. Il passe encore une ouvrière, toute seule. Elle est drapée dans un châle écarlate. Et ses lèvres sont soulignées d'un trait du même écarlate. Elle tient orgueilleusement le milieu de la chaussée, la démarche impérieuse comme le désir lui-même. Elle me clouera sur place d'une plaisanterie mauvaise. Elle aime les garçons qui savent courir sur les toits, grimper sur des échafaudages, conduire des poids lourds, forger dans le feu des barres d'acier, dont la tête ne tourne pas quand ils ont bu un perno, et qui répondent par une insolence à ces insolences. Étudiant. Elle me renverra à l'école. À mon père malingre, à ma mère à chapeau, à ma maison particulière, où l'on ne partage jamais le repas avec personne. Mais supposons même qu'elle accepte que je lui parle. Je serai obligé de lui offrir l'apéritif dans un de ces bistrots du bord du canal qui ne sont fréquentés que par des ouvriers. Je me sentirai gauche. Je n'ai pas l'habitude d'aller dans des endroits de ce genre. Les ouvriers s'en apercevront. Ils se moqueront de moi. Et je ne saurais pas répondre à leurs plaisanteries. Quand je parle argot, tout ce que je dis sonne faux. Et si elle réclame un second verre, je ne pourrai pas lui offrir. Ma mère ne me donne que 2 francs par semaine d'argent de poche, parce qu'elle est avare et parce qu'elle a peur que je me laisse entraîner dans des mauvais lieux par mes camarades. Mes parents me traitent comme un enfant. La fille dira « Regardez donc ce môme ». On lui presserait le nez, il en sortirait encore du lait. Et ça ose battre une femme dans la rue. Rentre vite chez ta maman. Elle te grondera si tu arrives en retard. Et ma mère me grondera, en effet, si j'arrive en retard. Elles auront toutes les deux raison. La fille et ma mère. On reste un enfant tant qu'on ne gagne pas sa vie. Quand je n'ai pas appris ma leçon, je rougis devant mon professeur. Une fille ne peut pas se donner à un garçon qui rougit devant un maître d'école. Et cela durera tant que je ne gagnerai pas ma vie. Je devrais mendier chaque centime d'argent de poche tant que je ne serai pas sorti de centrale ou de polytechnique. Non, je ne veux pas de cela. Je ne veux plus aller au lycée. Je veux travailler, tout de suite. Demain matin, au lieu d'aller au lycée, j'irai faire le tour des bureaux d'embauche. Pierrette alla frapper au fond de la pièce à la porte de bois verni sur laquelle est écrit, gravé sur une plaque de cuivre, « Directeur du personnel ». Asseyez-vous. Le tourneau désignait un fauteuil club, placé en biais près du bureau. Pierrette eut un mouvement pour refuser et aller s'asseoir sur une des chaises de bois vieux style de la FETA alignée contre le mur. Elle se le reprocha aussitôt. Pourquoi la déléguée du personnel n'aurait-elle pas droit au fauteuil club du bureau du directeur du personnel? Elle s'assit donc dans le profond fauteuil de cuir, une jambe en avant, l'autre repliée, le buste très droit comme toujours, les bras posés légèrement sur les accoudoirs. Puis elle leva les yeux sur le tourneau qui venait de s'asseoir de l'autre côté de la table dans un fauteuil d'un autre cuir, couleur de bois citronnier, un cuir très clair, qui lui fit penser aux objets des boutiques de luxe. Elle s'aperçut alors qu'il y avait sur le bureau un vase plein de roses. Le tourneau écarta les roses qui les empêchaient de se voir. Vous êtes surprise de trouver des fleurs dans un bureau de la FETA. Vous m'avez convoqué? Oui. Il chercha parmi les papiers et les livres accumulés sur la table. Voilà. Monsieur Noblet m'a demandé de signer la mise à pied de 3 manœuvres du service de manutention qui se sont présentées à leur travail en état d'ivresse. Je cite le rapport. Qui se sont donc présentées en état d'ivresse à leur atelier pour la 4e fois en la période d'un mois, après avoir reçu consécutivement, pendant la même période, 3 avertissements pour le même motif. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas au courant. Je vais faire une enquête. Faites-moi savoir, je vous prie, le nom des 3 sanctionnés. Inutile. J'ai refusé de contresigner la décision. Quel âge peut-il avoir? On m'a dit 24 ans. Mais il a un rire d'enfant. La vie sans responsabilité. Ces gens-là ne mûrissent pas. Merci. Si on veut encore leur faire des histoires, je les convoquerai, puis nous nous expliquerons tous les deux. Vous et moi. Avec eux. Je vous remercie en leur nom, monsieur le directeur. Elle inclina légèrement la tête, fit demi-tour et se dirigea vers la porte. J'ai encore à vous parler. Elle retourna vers la table. Il s'est également levé. Ils se trouvèrent face à face de chaque côté de la table. Il désigna du pouce relevé un tableau suspendu derrière lui. Qu'est-ce que vous pensez de cette peinture-là? Est-ce que je dois sortir sur le champ? Ou bien lui répondre sèchement, je ne suis pas payé par la FETA pour regarder des tableaux. Mais pourquoi vexer ce garçon qui, jusqu'ici... Il lui vint l'idée que le sujet du tableau était peut-être offensant. Elle giflerait le sale gamin. Elle leva les yeux vers la peinture et éclata de rire. Alors? Rien. Je n'en pense rien. C'est une excellente reproduction d'un Picasso de la période que je préfère. Vous ne trouvez pas que cela respire le bonheur? Je ne sais pas. Vous n'ignorez pas que Picasso est membre de votre parti? C'est sûrement un brave homme. Mais vous n'aimez pas sa peinture? Je n'ai pas assez d'instructions pour en juger. C'est justement ce qui est intéressant. Je n'ai pas assez d'instructions. Vous êtes merveilleuse. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous êtes merveilleuse. Elle le regardait avec étonnement. Ses immenses yeux noirs, grands ouverts. Il s'aperçut de son étonnement. Ce qui est merveilleux, c'est justement votre simplicité. Je suis certain que vous comprenez la peinture bien mieux que vous ne le croyez. En fait, peinture, je ne connais que le calendrier des postes. Je peux même dire que j'en ai jamais vu d'autres. Pardon. Excusez-moi. De quoi ? Pourquoi me détestez-vous ? Je ne vous déteste pas. Je crois même que vous êtes un bon garçon. Je ne suis pas ennemi des ouvriers. Après ce qui vient de se passer, il est juste que je prenne la parole. Elle monta sur la petite scène. Le chef d'orchestre tapa trois coups sur la grosse caisse pour attirer l'attention. Le silence se fit aussitôt. Car après la bagarre, on s'attendait à ce qu'il se passât encore quelque chose. Pierrette Amable commença à parler à voix presque basse, en cherchant ses mots. On vient d'injurier ici un travailleur, parce qu'il est italien. Elle demanda si les personnes qui étaient dans la salle avaient vu les wagons à bestiaux dans lesquels vivaient les travailleurs italiens et nord-africains de la voie. Oui. Pourquoi les entrepreneurs n'employaient-ils pas de la main-d'œuvre française ? Parce que les Français n'accepteraient pas de vivre dans ces conditions-là, ni pour ce salaire-là. Bon. Pierrette parlait lentement, cherchant le mot juste. Il était évident qu'elle n'avait aucune pratique de la réunion publique. Quand elle n'avait pas trouvé le mot qu'elle cherchait, elle s'arrêtait au milieu de la phrase. Alors on regardait ses grands yeux noirs, qui n'étaient posés sur rien, qui cherchaient. Le silence se faisait encore plus grand. Il était clair que tout le monde ici l'aimait. Même les ivrognes se taisaient, ne bougeaient pas. Elle accentuait l'articulation de son raisonnement par de nombreux « et voilà, donc, oui, poursuivons. Demandons-nous si... » Elle se transporta par la pensée dans la filature. Elle demanda quel âge avaient les métiers. De 25 à 30 ans. Mais la FETA est une société internationale, dans ses usines d'Allemagne et d'Amérique, quel âge ont les métiers ? De 2 à 5 ans, elle fit la comparaison des rendements. Et voilà. Bon. Mais alors pourquoi la FETA continue-t-elle quand même à vous faire travailler ? Parce que votre salaire est plus bas ? Parce que vous acceptez de vivre dans de plus mauvaises conditions que les travailleurs américains ou allemands ? La FETA vous paie si mal que ça lui coûte moins cher de vous faire travailler sur des machines périmées que d'acheter des machines neuves. Vous êtes les bicots et les macas de la FETA. Il resta toute une heure dans un profond abattement. Il se disait qu'il était plus isolé dans son bureau de directeur du personnel qu'un prisonnier dans sa cellule. Les prisonniers trouvent mille moyens de communiquer entre eux. Il avait appris cela dans quantité de mémoires et romans. Il leur arrive même d'entretenir des rapports humains avec certains geôliers. Au fait, sa solitude est plutôt comparable à celle d'un geôlier. Si un geôlier a du cœur, il ne doit pas davantage oser parler à ses prisonniers que moi à Pierrette Amable. Mais un geôlier peut-il avoir du cœur ? Il se décida brusquement à écrire à Pierrette. Au travers d'une grande feuille, il traça à la main 6 juin un projet de transformation des usines du Clusot dont on m'a fait part ce matin. Il en résultera le licenciement de la moitié des travailleurs. À votre disposition pour lutter à vos côtés contre cette infamie. Il réfléchit un instant, puis déchira la feuille et réécrivit le même texte, mais en terminant « Pour lutter à vos côtés, sans contre cette infamie qu'il jugeait emphatique. » Il signa « Philippe Le Tourneau ». Il adressa « Madame Pierrette Amable, cité Amédée Le Tourneau », car la cité ouvrière du Clusot portait le nom de son arrière-grand-père. Il alla aussitôt mettre lui-même la lettre à la poste. Au retour de la poste, il était au comble de l'enthousiasme. J'ai écrit et j'ai signé. Je me suis livré à eux, sans réserve. Ils ne peuvent plus ne pas me faire confiance. Je suis le premier des Le Tourneau à me ranger aux côtés du prolétariat. Il escalada deux à deux les marches du grand escalier de pierre et rentra en coup de vent dans son bureau. En revanche, 325 000 francs est uniquement un roman sur la classe ouvrière. La télévision en a fait un très beau film, grâce à Jean Prat. Vaillant, c'est un personnage pour moi. Il y a eu 325 000 francs qui, véritablement, à ce moment-là, était tout à fait particulier dans son œuvre. Totalement. Hein. Alors, ce qui m'a plu, bien sûr, c'était évidemment le côté ouvrier, mais surtout le côté non-ouvriériste, je dirais. C'est-à-dire que le fait que Vaillant se mette dans le livre... Il s'implique et surtout il ne cherche pas du tout à se mettre dans la peau du personnage. Non. Il décrit les choses de l'extérieur d'une façon extrêmement froide, enfin le regard froid qui n'est pas le regard froid du libertin, là, mais le regard froid de l'observateur naturellement sympathisant. Alors, c'est pour ça que je trouve qu'on a avec ce livre, on a un document, quand même, un témoignage très très fort sur les conditions ouvrières, mais tout de même, ce qui reste un témoignage de quelqu'un qui ne l'est pas. Ce qui est important, ce qui était le plus, disons, le choix le plus déterminant, c'était sa participation à lui. Parce que justement, je voulais qu'il y eut dans le film le même rapport d'un regard de quelqu'un qui était dans le livre un écrivain, bien sûr, dans le film aussi un écrivain, mais qui ne voyait pas écrire, par le truchement duquel on entrait dans ce monde, et dans cette famille, et dans ce personnage de Buzard. Quitte à le quitter un petit peu, parce qu'après, évidemment, après on oublie Vaillant, et on entre beaucoup plus dans les derniers moments du film, on entre dans une espèce de subjectivité, alors là, il y a une espèce de charnière. On se met tout à coup à avoir une voix intérieure, évidemment, on n'est plus du tout à la place de Vaillant. Et on est à la place du personnage de Buzard, à qui il arrive, ce qui est arrivé. On retrouve Vaillant pour la toute conclusion. Moi, je n'ai jamais pensé que c'était un homme qui était fondamentalement très à l'aise dans la vie. Il donnait cette impression, mais je crois qu'il avait, il avait de gros problèmes. Oui, c'est ça. N'oubliez pas, à l'époque du lycée de Reims, le jeune homme seul, tout ça, c'est pas l'homme qu'il est devenu. C'est un homme assez frêle, fragile. Sûrement. J'aime les garçons qui savent dire non. Bernard, le fils de Buzard, avait dit non une fois pour toutes. Du moins, il le croyait. Non à l'artisanat, non à la presse injectée. Il ne voulait pas être une machine parmi les machines. Nick. C'est là. Bonjour, Bernard. Salut. Bonjour, Bernard. Bonjour. Qu'est-ce que tu bois? Vitel Cassis. Bah. Les sportifs, c'est comme ça. Ah oui, la forme. Monsieur Vaillant, c'est gentil de suivre la course, Madame de Marie-Jeanne. Ça nous fait plaisir. Et cette forme? Je ne me suis jamais senti aussi bien. Je crois que je vais faire des étincelles. Si on te le permet. Alors c'est vrai, vous voulez suivre la course? Oui. Vous voulez la mettre dans un nouveau livre? Qui sait? Nous attendons pour le marier que tu t'appelles Louison Bobet. Bon, nous quitterons rien à cette année même, je te le jure. Tant pis pour le vélo. Quand Buzard avait disparu... Il était allé voir à Lyon des camarades de régiment qu'il avait mis en contact avec le propriétaire d'une chaîne de snack bar. On lui offrait la gérance de celui-ci, très bien situé, lui avait-on dit, dans une région touristique. Les conditions étaient intéressantes. Buzard avait calculé qu'en 10 ans, il pourrait, avec leurs économies, racheter le fonds. On demandait à Buzard une caution de 700 000 francs. Son père lui prêtait 150 000, la moitié de ses économies. Marie-Jeanne lui apportait 225 000, placés par sa mère et par elle-même à la caisse d'épargne. 700 000 moins 375 000. Nous sommes encore loin du compte. Dommage, ça m'aurait bien plu, ton snack. Bon, reste à trouver 325 000 francs. Bernard versa en acompte les 375 000 francs rassemblés par Marie-Jeanne et lui-même. Le solde, c'est-à-dire 325 000 francs, payable le 20 novembre. C'est lui-même qui proposa la date, 20 novembre. Pourquoi le 20? Il l'avait calculé au plus juste en fonction du nombre d'heures à passer à l'usine. Vas-y, tu peux ouvrir. Mais faut bien le temps que la matière refroidisse. Tu sais à combien il faut la chauffer pour qu'elle fonde? 180 degrés. Alors, 20 secondes pour la refroidir, il n'y a rien de faux. Remarque, il paraît qu'ils sont en train d'étudier un procédé pour que ça aille plus vite. Tu veux essayer? Oui. Et tu risques rien, tant que la grille est ouverte, le courant ne passe pas. Le moule ne peut pas se refermer. Allez, n'aie pas peur. J'ai pas de rien. Ferme la grille d'abord. Ferme la grille, ouvre la grille. On n'est pas des mômes. C'est obligatoire maintenant. Si les inspecteurs du travail ne rigolent pas là-dessus. Oh, encore un truc de fonctionnaire. Des mains coupées, des pattes coupées, t'en as jamais vu en ville? Tiens, mon oncle, un frère à mon père. Il a laissé sa main droite à l'âge de 18 ans. Et comment ça m'est arrivé? Reste endormi avec la main dans la presse. Ah, oh, bah alors évidemment. Faut être vraiment feignant aussi pour s'endormir avec un boulot comme ça. Bon, je vais faire une télé en ville. Trafic à midi. Ça fatigue pas trop. Près de 3 mois ont passé. Nous sommes le 5 novembre. Dans 13 jours, Buzard aura terminé son exploit. Pour la première fois depuis 6 mois, Buzard et le Bressan se reposent ensemble. La maison Plastoforme a mis son personnel en congé pendant 2 jours pour permettre l'installation sur les presses d'un nouveau système de refroidissement. Un jouet qui mettait 30 secondes à refroidir n'en mettra désormais plus que 10. Le voyageur qui passe par Oyonnax s'arrête quelquefois au café qui porte l'enseigne au bar américain. Des joueurs de tarot, jeu de cartes fort pratiqué dans les monts du Jura, occupent habituellement une table d'angle au fond de la salle. L'un des joueurs est manchot. Après l'accident, tout le monde avait été gentil. Ce genre de gentillesse est fréquent, on préfère les héros quand ils sont abattus. Bien sûr, le propriétaire du snack n'avait pas voulu d'un manchot pour gérant, mais il avait rendu la caution intégralement. Le bar américain était à vendre. Jambes d'argent avait consenti des délais. Marie-Jeanne, elle, s'était résignée à ne pas quitter Oyonnax. Au fond, elle avait toujours été persuadée que Buzard ne réussirait pas à accomplir son exploit. On ne se tire pas, on ne s'en tire pas, c'est la vie. Buzard était devenu hargneux et ne se pardonnait pas son échec. Mais un psychanalyste dirait qu'il provoque lui-même ses échecs. Il était tombé de vélo au moment de gagner la course, il s'était coupé le poing au moment de triompher de la machine, il avait voulu se punir d'aimer une femme sans cœur. Un marxiste, lui, dirait qu'on n'échappe pas à sa condition sans transformer la société qui vous enferme dans cette condition. On ne peut pas sortir de sa condition, oui. On ne peut pas en sortir d'une certaine façon, c'est ça. Je pense qu'il voulait dire qu'on ne pouvait pas en sortir mal. On ne peut pas en sortir en faisant des choses qui vont contre ce qui est le plus profond de vous-même. Il est quand même puni parce qu'il s'est trahi. Je crois que c'est ça qui est important dans les histoires de Buzard. Tout cela, c'était le risque de la vie qu'il avait commencé à prendre avec le groupe Le Grand Jeu. Roche Vaillant est élève au lycée de Reims dans les années 1920. Et en 1923, il est l'ami de deux autres lycéens qui sont Daumale et Lecomte. Et ces jeunes gens créent un groupe qui s'appelle les Frères Simplistes. Un groupe qui, sans le savoir, épouse l'esprit du temps, qui est assez proche du surréalisme, assez singulier par rapport au surréalisme. Et ces jeunes gens, Daumale, Lecomte, Vaillant, ne supportent pas la vie quotidienne, ne supportent pas le laisser-aller du temps, l'abandon de ses journées, l'abandon de ses heures. Comme dit Rimbaud, Oasis jeunesse a tout asservi. Et il décide de sortir du temps, de sortir de ce temps très médiocre, maussade, les jours qui passent après les jours et on a l'impression de ne pas vivre. Alors, ils font toutes sortes d'expériences. Ils font des petites expériences de drogue. Ils se droguent au tétrachlorure de carbone en classe de philosophie. Ils n'ont pas d'argent, ils sont de parents très modestes, et que peuvent-ils faire? Ils ne peuvent pas aller jouer à la roulette, aller jouer au baccarat pour se donner le plaisir du jeu. Ils ne peuvent pas emmener leurs petites amies dans des grands hôtels luxueux. Ils ne peuvent pas s'acheter de grosses voitures pour aller rouler à 130 à l'heure sur la route. Alors, déjà le goût des grosses voitures chez Vaillant. Déjà le goût des grosses voitures. Et alors, qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste les chemins de l'esprit. Il leur reste les chemins de l'esprit. Et au moins, leur vie est médiocre dans tous les domaines, au moins dans le domaine de l'esprit, elle sera supérieure, disent-ils. Et il écrit, en vérité, la vie ne m'apparaissait digne d'être vécue que dans la mesure où je parviendrai à la constituer en une succession de saisons si bien enchaînées qu'il ne resterait plus la moindre place pour la vie quotidienne. Il a d'ailleurs commencé à jouer sa vie tout en faisant l'histoire. Il a continué de la jouer sans l'histoire. À ce moment-là, Roger Vaillant est l'anticipateur lucide. Il devance de 20 ans le débat politique contemporain. Puis apparaîtra le tragique de l'homme divisé, Roger Vaillant hors l'histoire, et l'assomption totale du libertinage partagé, sans bourreau ni victime. Viendra plus tard le risque de la mort. Vaillant aime les autres, bien qu'il ait écrit qu'il n'aimait pas les hommes. Oui, Vaillant a le don de l'amour. On en est touché. On peut lui parler de tout. Il nous parle, on l'écoute, on répond. Vaillant aime d'abord Dieu, puis les femmes qu'il aime, puis son parti. Mais Dieu qu'il se fourvoie. Il est perdu et gagnant à la fois. Il ne perd jamais car un fils de roi n'est pas un perdant. Il croit à la chance. Il gagne sur tous les plans. Et quand surgit le 20e congrès du PC en 1956, il se met en colère. Beaucoup plus fort qu'un stalinien déçu parmi tant d'autres, comme un jeune homme seul. La preuve, il la donne chez son copain Henri Bourbon. Il arrache du mur le portrait de Staline. Il est furieux. Il est de toute façon seul à ressentir un choc aussi violent, chez lui, à Mayona. Qu'est-ce qui s'est passé exactement en 1956? Alors, il m'est arrivé d'en faire un récit plus détaillé, mais enfin, je donne l'essentiel. Je me suis trouvé, à fin février, début mars 56, à Berlin-Est, invité par l'Académie des sciences. Et là, le dernier jour de février, c'est-à-dire quelques jours après la fin du 20e congrès du Parti socialiste, du Parti communiste, l'Union des républiques socialistes, le secrétaire de l'Académie des sciences, Alrich, qui depuis a fait de la prison, m'a communiqué le texte en allemand, mais officiel, du rapport Khrouchtchev. Du fameux rapport Khrouchtchev. J'ai passé une partie de la nuit à le lire et je dois dire que j'étais un petit peu, pas tellement étonné, mais secoué quand même. D'ailleurs, à ce moment-là, j'étais traité comme une espèce de représentant de l'anti-stalinisme, de la critique anti-stalinienne à Berlin-Est. Oui, ça n'a pas duré très longtemps, cette faveur. Et je suis revenu à Paris, et alors là, je me suis fait insulter de tout. J'étais lassé d'être traité de tous les noms, puisque officiellement, la direction du Parti communiste a laissé entendre que c'était un faux. Et que par conséquent, ceux qui parlaient de ce rapport comme d'un document concernant le Parti communiste de l'URSS, c'était des traîtres, des serviteurs conscient ou non, des services secrets américains. Et ça a duré un mois environ, et en effet, lassé, un jour je téléphone à Roger, et je lui dis, j'ai besoin de te dire quelque chose de très urgent. J'arrive, et je suis allé à Millionnas en voiture. Et dès mon arrivée, je lui ai expliqué ce qui se passait. D'abord, Roger n'a pas eu l'air tellement étonné. Et je pense qu'il soupçonnait quelque chose de ce qui était arrivé à Moscou. Qu'il avait peut-être eu des rumeurs par ailleurs. Peut-être par exemple par l'ambassade du RSS à Berne. Alors, il m'a dit, je vais aller voir. Et alors, quelques temps après, il est repassé par Paris. Alors, je me souviendrai toujours qu'il était dans l'hôtel au coin de la rue Vanneau et de la rue de Sèvres, et que j'ai été le voir, et qu'il a levé les mains au ciel en me disant tout simplement « Mais c'était Héliogabal plus Sardanapale ». Vous voyez de qui il parlait. Il avait donc eu une grande déception. Quand il a brûlé sa carte du parti, c'était plus tard. C'était dans le courant de cette année 56, mais probablement à l'automne. Mais je n'ai pas un sens très sûr des dates. Mais il y a la certitude qu'en effet, il a brûlé sa carte du parti. Lorsqu'il y a eu la destruction de l'idole par le fameux rapport Khrouchtchev, Dayan a eu un coup véritablement terrible, il a même eu des pensées de suicide à ce moment-là. C'est cela qui tout d'un coup a glacé Roger Vaillant, l'a pris aux entrailles et l'a amené à cette espèce de nuit où il a fait un bilan des années qu'il venait de traverser, des erreurs intellectuelles, politiques et morales qu'il avait commises. Et où, me racontait-il au retour, il a vomi une bile noire pendant la nuit entière. Aussi, après ce véritable traumatisme, il écrit le roman La Loi, Goncourt 57, où il s'exprime par le personnage de Don Cesare, aristocrate revenu de tout et désintéressé. Avec son habitude de la philosophie de l'histoire, il se demande parfois pourquoi il s'est désintéressé, lui, Don Cesare, aux approches de la seconde moitié du XXe siècle, dans le marais d'Uria. Il se le demande sans y attacher autrement d'importance, parce qu'il a gardé l'habitude de se poser des questions, comme il a gardé toutes ses autres habitudes. Même l'attention qu'il continue de porter aux antiques a changé d'aspect. S'il garde encore un intérêt, c'est pour les antiques. On ne peut pas se désintéresser, absolument, sauf dans la mort, qui est précisément déliment total. Désintéressement absolu. Don Cesare s'est tellement désintéressé d'année en année qu'il est devenu lui-même objet pour soi-même. Don Cesare en face de Don Cesare pensant la statuette de terre cuite et l'intelligente cité d'Uria, mais aussi étranger à Don Cesare qu'à la statuette de terre cuite et à la morte cité d'Uria. Sans amour, sans haine, sans plus aucun désir d'aimer ou de haïr, aussi dépourvu de toutes sortes de désirs que la défunte cité d'Uria. C'est cela, le désintérêt. C'est un monarchiste libéral qui a longtemps milité dans le parti monarchiste libéral, qui ne croit plus ni aux possibilités de victoire, ni même à la légitimité de victoire, qui ne croit plus à la réussite de la monarchie libérale, et qui continue quand même de verser sa cotisation au parti monarchiste libéral et de se conduire en apparence comme si rien n'était changé pour lui. Il y a un peu une transposition pour moi du vieux communiste qui continue à être communiste sans plus espérer quelque chose de la réalisation du communiste. Ce serait ça la clé de la loi. Et la mort de Don Cesare, qui meurt seul avec seulement cette jeune femme près de lui, c'est un peu comment j'imaginais ma mort en tant que communiste à cette époque-là. Il acquiesce à lui-même, tel qu'il a été, et tel qu'il demeure à l'heure de sa mort. Cet acquiescement n'a de valeur que pour lui-même, vis-à-vis de lui-même. Mais dans l'heure de sa mort, de sa lucide mort datée acceptant la mort, Cet acquiescement prend une valeur absolue, ainsi soit-il. Dès lors, dans l'œuvre de Roger Vaillant, on ne trouve plus la moindre trace de politique. Il redevient individualiste, son talent n'en est pas amoindri, ni affaibli le moins du monde. Il nous donne à ce moment-là Éloge du cardinal de Bernice, petit chef-d'œuvre sur le libertinage du XVIIIe siècle. Cette femme, religieuse, esprit fort, libertine et joueuse, était admirable en tout ce qu'elle faisait. Il s'agit de Bernice et de Casanova en face d'une femme. Casanova, en fait, s'est fait draguer, comme on dirait aujourd'hui. Si je me rappelle bien, c'est lui qui reçoit un billet de... pour le convoquer à une rencontre qui ne pouvait être que galante. Je crois devoir vous dire que je suis très à mon aise et que, loin de craindre la dépense, je l'aime. Or, tout ce que j'aime appartiendra à l'objet que j'adorerai. Cette confidence, mon cher ami, m'est très agréable. Et d'autant plus qu'à mon tour, je puis vous dire que je suis riche et que je ne saurais rien refuser à mon amant. Mais vous devez déjà en avoir un. Oui. Et c'est lui qui me rend riche et absolument mon maître. Je ne lui laisse rien ignorer. Mais que dira votre amant ? Il sera charmé de me voir tendre et heureuse avec un tel amant que vous. C'est dans son caractère. Mais quel homme, votre amant! Je m'imagine qu'il est vieux. Vous vous trompez. Et si cela était, j'en serais honteuse. Il n'a pas 40 ans. Et il a tout pour être aimé. Beauté, esprit, douceur de caractère, noble procédé. Et il vous pardonne vos caprices ? Qu'appelez-vous des caprices ? Au goût, je devine que votre amant est français. Vous connaissez le monde. Je recopie ces lignes de Casanova en 1956, et dans l'âge, pour moi, de la maturité. Voilà qui sonne singulièrement 1956. Je me demande souvent pourquoi les écrivains de ma génération, c'est-à-dire ceux qui débutèrent dans les revues d'avant-garde entre 1920 et 1930, ne furent pas pour la plupart ce qu'on appelle à Paris « arrivistes ». Et à Moscou, avec sévérité, mais cela existe puisqu'on le blâme. Carriériste. Et nous placions si haut notre vocation d'écrivain qu'il nous semblait aller de soi qu'elle nous interdit la fortune, voire l'aisance. Ce n'était pas payer trop cher l'ambition de faire ce qu'on appelait encore une œuvre durable. Quand il nous arrivait d'injurier la littérature, c'était au nom d'une mystique. Nous voulions devenir Dieu, en nous dépouillant de ce qui nous était le plus cher, ou au nom d'une politique. Nous sacrifions tout pour changer la face du monde, ou encore par un tel amour de la littérature que nous mettions sous son nom tout ce qui avait déjà été écrit comme indigne de ce que nous attendions d'elle. Mais jamais pour faire carrière, et toujours pensant au jugement de la postérité, et soucieux que les futurs historiens des belles lettres louent la beauté de nos injures à la beauté. Je m'aperçois que je parle déjà au passé de mes amis de jeunesse et de moi-même, qui brûlâmes tant de pages, sans les montrer à personne, sous toutes sortes de prétextes. En vérité, parce que nous les trouvions indignes de l'idée très haute que nous nous faisions de l'écriture. Au fait, je continue. Il écrira par la suite Monsieur Jean, pièce de théâtre, qui illustre parfaitement ce que Vaillant avait déjà écrit sur le tragique de Don Juan. C'est sans doute l'image la plus moderne qui ait jamais été donnée de Don Juan. Très beau texte, où l'on retrouve la lucidité, le regard froid, le jeu, le rapport des forces. Autant de thèmes, chers à Roger Vaillant. J'ai beaucoup réfléchi depuis 48 heures. Il y a du vrai dans ce que tu disais. C'était mal t'aimer que ne de t'aimer que pour l'amour. Trop tard. Je le sais. Pour la première fois de ma vie, je regrette une faute. Tu m'as appris le remords. Il fallait que je sache. Vous vous battez en retraite? Deux plus petits que trois? Le rapport des forces est contre vous? Avouez donc tout simplement que mes déclarations vous font trembler. Mon admiration pour toi s'en accroît. Clarté, lucidité, présence d'esprit, modération de l'expression. Et cette exactitude de jugement qui fait que de tout ce que je t'ai confié, tu n'as révélé que ce qui est vraisemblable et qui peut me faire du tort. Vous avez enfin trouvé plus fort que vous. J'ai enfin trouvé la collaboratrice à laquelle j'avais toujours rêvé. Vous n'avez su en faire que votre pire ennemi. Il y a eu malentendu. Comme avec Elvire? Je te dois une explication. Avant-hier... Je ne vous écouterai pas. Il y a un élément essentiel que tu ignores. Avant-hier... Tu perds ton temps, je connais toutes tes ficelles. Je ne m'y laisserai plus prendre. Que s'est-il passé avant-hier? J'aimais et je t'ai aimé. À toi, cela paraissait tout naturel d'aimer d'amour. Pour moi, après ces 1000 expériences... dont je parlais trop légèrement, mais qui avaient été des échecs. Ce n'était pas croyable. Je savais bien que je t'aimais d'amour. Je suis trop lucide pour ne pas lire clairement en moi et distinguer le vrai amour du faux. Mais je n'arrivais pas à croire à tant de bonheur. J'aimais. J'étais aimé. Qu'aurais-je dû faire? Proclamer très haut le nom de la bien-aimée, ton nom. Annoncer au monde entier, j'ai fait une nouvelle découverte, l'amour, est associé si intimement à ce qui est l'essence de ma vie, mon souffle même, je veux dire mon travail, que tu ne puisses plus te séparer de moi qu'avec mon dernier souffle. Voilà à quoi je pensais. Tels étaient mes projets. Quand tu es arrivé avant-hier, à 3 heures de l'après-midi, c'est à ce moment-là qu'est intervenue mon infirmité. J'ai voulu vérifier. Tu connais ma manie. J'ai voulu vérifier nos deux amours. Le tien et le mien. Le mien aussi, je l'avoue. Le besoin de vérifier. Ma terrible infirmité. Mais aussi, m'étais-je dit, si l'un de nous deux ne résiste pas à la tentation d'ouvrir cette porte où tant de points anxieux vont frapper, si l'un de nous deux ouvre la porte avant 8 heures, ce sera la preuve qu'il n'aime pas d'amour. Ainsi, j'avais testé l'amour. C'était absurde. Mais tu te rappelles combien de fois je t'ai averti? Prends garde. Ne bouge pas. Attention à la porte. À 18h10, tu as ouvert la porte. J'étais tellement anxieuse. Je savais tous les dangers qui te menaçaient. Je voulais que tu puisses faire face. Je sais. Le test était absurde. La faute en est à mon infirmité. Tu as donc ouvert la porte. J'étais persuadé que ton amour ne répondait pas au mien. J'ai fait le fanfaron. J'ai joué au cynique. J'ai voulu te blesser. Je me suis blessé, encore bien plus profondément moi-même. Je ne te crois pas. Je ne te fais pas le récit des 2 journées que je viens de passer, encore moins de celui des 2 nuits de cauchemar. Je sais enfin ce qu'est la souffrance d'amour. Je ne te plains pas. Les banques, le gouvernement, le pignon, mes ennemis, mes amis, tous ceux que j'ai sauvés de la ruine ou de la prison se liguaient contre moi. D'heure en heure, j'apprenais de nouvelles défections. La terre tremblait sous mes pas. Je n'y ai pas prêté la moindre attention. Je ne me défends même plus. Une seule pensée m'a obsédé pendant ces deux jours et ces deux nuits. Te convaincre de venir, t'obliger à m'écouter, dissiper cet abominable malentendu. Comment pourrais-je te croire ? Je t'aime. Il écrira ensuite La Fête, un de ses plus beaux romans, à mon sens, avec Drôle de jeu et 325 000 francs, où il assume sa fascinante individualité. Il passa toute la journée du lendemain dans son bureau, couvrant beaucoup de pages d'une écriture serrée. Ce ne sera pas un roman, il s'en tiendra à la réalité, il ne dira que la vérité. Mais comme il ne saura pas dire toute la vérité, ce serait le livre des livres, quel qu'en soit le prétexte, ce sera tout de même un roman. Il a beaucoup de chance. Sa vie vécue s'articule d'elle-même en saison, en roman. Il se demande pourquoi il a, en d'autres occasions, inventé des personnages, imaginé des intrigues, alors qu'il n'avait qu'à faire l'inventaire de ses biographies juxtaposées. Tu n'as jamais fait que cela. Plus de masques, plus de fabulations. Nous allons serrer le vif. Soit. Nous allons commencer la saison du roman qui n'en est pas un. Elle se déroulera tout d'un trait. Je suis en pleine forme. J'ai déjà bâti cet après-midi une sorte de plan. D'abord un long chapitre, lourd, massif, entièrement écrit au présent. La promenade dans le bois avec Jean-Marc et Lucie. J'y pose les thèmes que j'ai envie de développer. La souveraineté, l'amour fou, la fête, les moyens d'expression de l'écrivain et les rapports de l'homme et de l'automobile. Ensuite, chapitre par chapitre, je n'aurai plus qu'à tirer chacun des fils, conservant tous les autres présents en contrepoint. Je noue le tout bien serré dans l'avant-dernier chapitre, solo d'orgue. Je termine d'un trait net par le récit de la fête, nu. Tu vois ce que je veux dire ? Il faudra que j'apprenne à composer des symphonies, c'est peut-être ma vraie vocation. Ne te suffit-il pas d'être écrivain ? C'était l'heure du whisky. Quel servit ? J'ai envie de commencer tout de suite. Il me semble qu'avant le grand chapitre au présent, un cœur, il faudrait un petit solo de flûte dans tous les tons, dans tous les temps. Il repoussa le verre et commença aussitôt d'écrire. Duc, après un long voyage, venait de regagner sa maison de campagne, non loin des rives de la Saône. Il commençait d'écrire un roman. C'est son métier. Léone, sa femme, pour préserver la paix nécessaire à son travail, répondait au téléphone qu'il n'était pas encore revenu. Un soir, on sonna à leur porte. Elle attendait un fournisseur. Elle ouvrit. ...1956 avait représenté pour Roger Vaillant la brisure totale d'un idéal politique qui était le communisme, ou plutôt le bolchevisme. Toutefois, le dernier article qu'il écrit pour le Nouvel Observateur s'intitule « Éloge de la politique ». Mais ce sera pour rêver à une grande et belle utopie qui verra le jour 3 ans après sa mort, en mai 1968. Si on parlait de 68, il y aurait le côté ancien combattant de 68, mais il y avait ce texte-là de 64. Qu'est-ce que vous faites, les philosophes, les professeurs, les écrivains, moi-même, les intellectuels, comme on dit ? Les praticiens ne manquent pas, ce monde en est plein. Mais les penseurs politiques, en attendant que revienne le temps de l'action, des actions politiques, une bonne, belle, grande utopie, comme nous pensions en 45 que le nouveau serait créé dans les 10 années qui allaient suivre. Ce ne serait peut-être pas si mal. Il écrit ça donc en novembre 64, c'est-à-dire 3 ans avant mai 68, et on peut penser qu'évidemment il aurait été partie prenante dans cette histoire, et qu'à certains égards, ce qu'il y a de mieux, enfin, ce que je préfère dans Vaillant, c'est le côté joyeux de la politique. J'y vois plus qu'une prémonition, un pressentiment assez précis. Et je crois que Roger sentait déjà un courant se former, le courant de la contestation. Parce que si on périodise la société contemporaine et son histoire, on s'aperçoit que la contestation commence vers les années 60. Elle se forme peu à peu chez les étudiants, chez les intellectuels. La pensée critique se raffermit, s'accentue. Et il devait, je pense qu'il était sensible à cela, qu'il le percevait comme quelque chose, comme un bruit qui naît dans l'ombre, qui s'enfle, qui grandit et qui va devenir un orage. Je crois qu'il faut lui accorder à ces pages plus qu'une valeur de prémonition, mais de pressentiment et de participation par avance. Je répète que nous sommes inconsolables quand nous pensons que le romancier, l'écrivain de 68 a disparu avant d'avoir vu ce qu'il souhaitait, ce qu'il attendait, ce qu'il voulait du plus profond de lui-même. Une révolte créatrice. Je crois que pour une génération qui, hélas, n'est pas la mienne, Vaillant représente la possible alliance, la critique aiguë de l'effort de lucidité, de l'action révolutionnaire, du romantisme révolutionnaire. Ça me paraît très exactement ce qui aurait dû le relier complètement, d'une part à la génération 68, et d'autre c'est part ça, oui. à la génération complètement désespérée, désespérante, pour qui la politique n'existe plus aujourd'hui, nous qui vivons aujourd'hui l'ossification bureaucratique à la fois de la révolution, de la contre-révolution et du capitalisme, nous rendons bien compte que les gens qui sont amenés à vivre ça ont une approche de la politique très différente. Quelle aurait été l'attitude de Roger en 68 ? Aurait-il été dans cette fraction des gens qui ont, discipline, suivi les consignes du PC et de la CGT et qui ont freiné de tout leur poids ? Aurait-il été... Je peux vous dire qu'à mon avis, il n'y avait strictement aucune possibilité qu'il soit dans les freineurs. C'était Une œuvre, une vie. Une émission conçue et présentée par Hélène Mora. Aujourd'hui, Roger Vaillant. Avec la participation de Claude Roy, François Bott, Marc Garanger, Jean-Claude Fasquelle, Maître Léo Matarasso, Jean Pratt, Henri Lefebvre, Christian Descamps, Pierre Caste. Avec le concours de Michel Colli, Georges Descrières, sociétaire de la Comédie-Française, Richard Leduc, Claire Morier, Catherine Laborde, Pascal Roberts. Avec les voix de Roger Vaillant, Jane Fonda, Fernand Lambroso, Simone Signoret, Pierre Lazareff, Jacques-Francis Roland. Chef opérateur du son, Arlette Adrian. Collaboration technique, Michel Senot. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 27 mars 1981.